foule. Surtout les sons qui roulent cool. Oh non, Seigneur. Pas d'erreur. Les ghettos croulent. Surtout les sons qui coulent, les ghettos s'écroulent. Trop haut de peine coule. Les ghettos coulent. Surtout les sons qui coulent, les ghettos s'écroulent. Beaucoup trop de peine coule. Si à chacun son Dieu, alors c'est à chacun sa Bible. I'm feeling you, I'm feeling you, I'm feeling you. Nous sommes tous au plus ou moins une cible. L'homme a toujours été confusion. Wow. On est de temps encore sous l'illusion. No, les ghettos coulent. Les ghettos s'écroulent. Faut être sur le bon câble. Sinon trop de coups. Protéger ses yeux du sable. Trop de fous, réalité est devenue tabou. L'impasse si sombre qu'on ne voit plus le bout. Certains recalés par la douleur, d'autres recalés par la couleur. Les ghettos saoulent, surtout les sons qui roulent coulent. Les ghettos foulent, surtout les sons qui roulent coulent. Oh non, Seigneur, pas des.